Thank you.

Hello, hey, hello, hello, hello, hey. Je suis loin là. Ouais. Ah oui. Comment ça, je suis loin là? C'est net, ça. Hein? Je suis pas loin là, mon gars. Pas la même chanson là, il est tout raplapla. Oui là ça va mieux là. Ouais voilà, oui là il y a plus de présence. Tu as dit que la présence là, j'ai la présence. J'ai la présence d'esprit de les gens là. Même pour vous. Ça, c'est pas mal, ça, non? Ça, c'est pas mal, non? Jean-Pierre, Jean-Pascal, Jean-Bernard.